Jeanne dort. L'osier lui tresse une auréole d'or. Et ce bout de matelas est un épais nuage. Une odeur de ventre monte dans la nourricerie comme une chanson. Savoureux mélange de chair fraîche, d'urine et de lait. Atmosphère de chaleur et de rose. Grâce, grâce. Ses yeux sont hermétiquement clos, mais la qualité de ses cils défie toutes les finesses. La petite narine, la narinette de nacre, se recroqueville dans sa fine perfection. Un peu de châssis au coin des yeux brille, un peu de crasse au pli des fossettes. Jeanne dort, un peu sale et toute rayonnante de vie. Elle dort, et voici qu'elle rêve, et voici quel est son rêve. Une bête considérable mange le soleil. Ses grandes pattes de mouche zigzagent d'un nuage à l'autre dans la gélatine des sphères. Soudain, du haut du ciel, la bête fond sur Jeanne et ses yeux sanglants sont pleins de souris. Jeanne est à cheval sur une vache blanche au milieu d'un champ de bataille de lait. La bête patauge dans le lait, éclaboussant les prairies à la ronde. Et Jeanne frappe d'estoc et de taille. Ses yeux sont des pistolets. Peu à peu, le monstre recule. Il chavire dans la blancheur. Il sombre dans le lait et Jeanne s'éveille victorieuse dans son berceau.